suggestion de vidéo en lien avec la crise sanitaire. Donc, au fil des jours et des semaines, j'ai visionné plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager là, les informations qui se rapportent aux vidéos que j'ai trouvées les plus intéressantes. Donc, dans un esprit de partage, j'ai mis les liens qui se rapportent aux vidéos auxquelles je vais faire allusion tout au cours de cet enregistrement en bas de ce dernier. Et comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens des vidéos que vous aurez envie là, d'écouter parce que présentement, il y a une très grande quantité de vidéos, d'articles qui sont produits en relation avec la crise sanitaire, donc associée au coronavirus, donc de la COVID-19. Et c'est souvent des éléments que je vais véhiculer sur ma chaîne Facebook. Donc, ma page Facebook, devrais-je dire? Donc, ce que je voulais mentionner aux gens qui m'écoutent sur YouTube exclusivement, c'est que si vous êtes intéressé à avoir accès au partage des vidéos et des articles que je fais là, sur ma chaîne Facebook, le meilleur moyen d'être informé par rapport à ces partages, c'est de vous abonner à mon compte là, Facebook là, par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées là, de mon compte Facebook en bas de l'enregistrement présent. Parce que sur YouTube, là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire, là. C'est-à-dire de vous partager des liens là, que je trouve intéressants, mais je le fais pas tout le temps, puis automatiquement. Donc, d'où la raison que si vous voulez avoir accès à l'ensemble des partages que je fais, là, c'est de vous abonner là, à ma page Facebook là, par rapport à ça. Les partages que je vais faire aujourd'hui, c'est essentiellement des liens de type Odyssey, qui est un endroit là, de partage vidéo où il y a moins de censure là, que sur YouTube. Parce qu'il y a certains liens que j'ai partagés de vidéos qui ont été diffusées sur YouTube et que par la suite, ils n'étaient plus disponibles, ils ont disparu. Donc, si je pense entre autres à la vidéo qui s'intitule « Dr. Lee mérite », deux points. Les vaccins ARN sont potentiellement des armes biologiques. Donc, je l'ai partagé, cette vidéo-là que j'avais vue dans un premier temps sur YouTube et j'ai vu donc quelques jours après qu'elle n'était plus disponible. Mais ça a fait la même chose pour plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce que présentement, de plus en plus, il y a une censure qui est grandissante sur les médias sociaux. Donc, les médias sociaux, au fil des mois, tendent à épouser de plus en plus le discours narratif officiel qui est véhiculé par les autorités gouvernementales des différents pays en lien avec la crise du coronavirus. Donc, il y a un resserrement de la censure qui se fait. Et par rapport à tout ça, ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que autrefois, il était possible en société qu'il y ait des gens qui étaient pro-vaccin, d'autres anti-vaccin. Il pouvait avoir des discussions, il pouvait avoir des débats. Tandis que, à mesure qu'on avance dans le temps, ce que je constate, c'est que les gens qui s'opposent au vaccin sont de plus en plus censurés. Donc, c'est le constat que je fais et c'est sûr que pour les gens qui m'écoutent et qui apprécient mes vidéos, vous pouvez notamment vous abonner dès maintenant là, à ma chaîne sur Odyssey, qui se veut une plateforme web qui favorise là, la liberté d'expression. Donc, à chaque fois que je produis une vidéo sur YouTube, elle est automatiquement relayée et sauvegardée sur ma chaîne Odyssey. Et c'est sûr que si un jour je suis censuré, bien, à ce moment-là, c'est intéressant pour vous de savoir que je vais probablement continuer à être présent là, sur Odyssey à travers les vidéos que je diffuse. Donc, par rapport à ma suggestion de lien vidéo, il y a bien entendu, comme je le faisais allusion il y a quelques instants, la vidéo du Dr. Lee Merritt. Les vaccins ARN sont potentiellement des armes biologiques que je vous propose d'écouter sur Odyssey. Donc, c'est une vidéo qui, à l'origine, a été produite en anglais, mais qui est bien traduite en français. Et ça soulève des informations qui ne sont pas nécessairement politiques correctes là, par rapport au vaccin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une époque où les médias de masse vont véhiculer une information qui est favorable au vaccin pour en faire la promotion. Et il y a toute une dynamique derrière ça médiatique à comprendre. C'est-à-dire que, étant donné que si on prend, par exemple, le cas de nos médias au Québec, sont essentiellement subventionnés avec le gouvernement à la hauteur d'environ 10 millions de dollars par mois pour faire une campagne promotionnelle de la mesure, des mesures sanitaires et du discours officiel pour limiter la propagation du coronavirus. C'est sûr que quand on regarde ça, l'instinct de survie des médias va faire en sorte que pour continuer à avoir de l'argent dans le temps, si les petites et moyennes entreprises font faillite ou se ramassent avec des problèmes financiers liés à la crise, ben, qui va rester? Il va rester le gouvernement. Ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à mordre la main qui les nourrit, donc à contester le gouvernement, parce que s'ils sont subventionnés essentiellement par le gouvernement, puis le gouvernement ne serait pas content s'il y aurait, par exemple, un débat qui ne va pas dans le sens du discours officiel qu'ils veulent véhiculer, ben, eux autres pourraient perdre du financement, puis s'ils perdent de l'argent, ben, ça représente des coupures éventuellement de postes. Donc, le fait que les médias actuellement, d'ailleurs, avant la crise, si on pense à la presse écrite, avaient des problèmes financiers importants. Donc, c'est sûr que le fait qu'ils reçoivent de l'argent des gouvernements par des publicités massives qu'elles font pour faire la promotion des mesures sanitaires, puis le fait qu'on est en crise présentement, pour nous ancrer cette idée-là dans la tête, fait en sorte que, comme ils ont besoin d'argent pour survivre, ils ne peuvent pas être totalement objectifs dans l'information qu'ils nous présentent. Et c'est sûr qu'à quelque part, un média officiel qui est subventionné par le gouvernement, qui dans un temps, dans les annonces, entre les reportages, ferait la promotion des mesures, puis en même temps ferait des reportages critiques pour parler des limites ou des dommages collatéraux d'une manière trop forte par rapport aux mesures, ça créerait une dissonance, ça créerait une contradiction, ça créerait un doute, puis ça pourrait être interprété comme une forme de sabotage des efforts de la nation, d'un peuple, de faire face à la menace du coronavirus. Donc, ça serait comme une forme de trahison par rapport à la loyauté à l'État. Donc, tu sais, c'est comme, on parle d'ailleurs de mesures d'urgence comme en temps de guerre, et le virus s'est présenté comme une menace, donc un peu comme si on était en guerre. D'ailleurs, Emmanuel Macron, ça a été l'essence de son discours. Fait que par rapport à ça, il y a des choses qui, aujourd'hui, on ne peut plus voir comme avant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la vidéo sur Odyssey qui s'intitule « COVID 2. La psychiatrisation de la dissidence ». Donc, c'est une vidéo qui a été faite par Alexis Cossette-Trudel, qui a été censurée de YouTube et là, qui se retrouve sur Odyssey. Donc, bon, il est question là, d'un psychiatre qui est interviewé au début de la vidéo. C'est sûr que à quelque part, bon, les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires ou qui ne vont pas dans le sens du discours officiel peuvent être vus comme des gens qui ont des problèmes de santé mentale pour les discréditer. Donc, c'est sûr que c'est un aspect, mais ce qui m'a intéressé plus particulièrement de la vidéo, ça a été à 44 minutes 13 secondes du début, où il y a un reportage qui avait été produit il y a très longtemps, il y a plusieurs années, sur les ondes de TVA, où on voit Pierre Brudeau et Sophie Thibault, aussi Pierre Paradis, qui sont quand même des figures marquantes de TVA. Pierre Brudeau, c'est un chef d'antenne qui est toujours en poste aujourd'hui, plusieurs années après. Dans la vidéo, il y avait encore des cheveux bruns, alors aujourd'hui, que les cheveux sont blancs, à Pierre Brudeau de TVA. Et la particularité, c'est que à l'époque où a été réalisée la vidéo, où il était question des inconvénients des vaccins, ça existait. Donc, dans la vidéo, il était question, c'est un reportage qui a été présenté de la controverse sur le vaccin contre l'hépatite B et de la méningite. Donc, il parlait, entre autres, de gens qui auraient eu des problèmes de santé importants après avoir été vaccinés. Il y a même eu une intervention de Guylaine Langteau, qui est la médecin, qui est ancienne médecin, qui a rédigé le livre qui s'intitule « La mafia médicale » ici au Québec. Donc, on lui donnait même de la visibilité médiatique. Tandis qu'aujourd'hui, que ce soit Guylaine Manteau, Jean-Jacques Crèvecoeur ou d'autres lanceurs d'alerte qui portent un regard critique sur la vaccination, ils ne seraient pas présentés dans les médias pour amener leur point ou participer à un débat comme Jean-Jacques Crèvecoeur l'avait fait ici au Québec en 2009 dans le cadre de la crise AH1N1 où il avait été dans une émission diffusée dans un média de masse pour participer à un débat pour ou contre la vaccination. Mais l'extrait de cette vidéo-là est intéressant. Ça dure quelques minutes d'un reportage qui avait été fait dans le passé pour dire que ça a déjà existé des chaînes de télévision qui s'adressaient à la masse, qui présentaient un regard critique par rapport à la vaccination. Tandis qu'aujourd'hui, là, à cause de la crise du coronavirus, dans les médias de masse, ici au Québec, en tout cas de ce que je vois, puis de ce qu'on me partage, non, il n'y a pas de record critique là, réel par rapport à la vaccination ou des effets néfastes ou indésirables. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les médias ont comme directive pour éviter de saboter la campagne de vaccination liée au coronavirus, de rien dire pouvant être négatif ou péjoratif par rapport au vaccin pour que, dans l'esprit du public, le vaccin est quelque chose qui est là pour les sauver, quelque chose qui va permettre à la population de retrouver une vie normale, de sortir de la crise, donc de voir le vaccin une sorte de sauveur incontestable, l'archétype d'un sauveur qui est parfait. Donc, moi j'ai l'impression que ils ont comme discours que peut-être qu'il y a des inconvénients là, au vaccin, mais comme on leur vend l'idée qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ben, ils n'en parleront pas publiquement, puis ils se donnent bonne conscience en disant « on fait ça pour le bien du peuple québécois, pour éviter de saboter les efforts de vaccination. Donc, on va sauver plus de vies, même s'il peut y avoir des effets secondaires indésirables. Donc, la fin justifie les moyens dans un désir spirituel de sauver qui amène une espèce d'aveuglement qui empêche d'avoir une objectivité médiatique réelle. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe présentement, parce que les reportages là, de Pierre Brudeau, Sophie Thibault, aujourd'hui, on en verra plus ça. Puis ces mêmes personnes-là sont toujours en poste sur les ondes de TVA, puis c'est des chefs d'antenne. Donc, ils seraient très bien placés pour apporter un regard critique par rapport à la vaccination, d'autant plus qu'ils ont déjà participé à des reportages qui allaient dans ce sens-là. Donc, mais non. Présentement, en 2021, on voit plus ça dans les médias. Et moi, j'ai l'impression que tout ce qui est effet secondaire potentiel par rapport au vaccin lié au coronavirus, ça va être soit minimisé ou soit caché sous le tapis. Ou on va retrouver ces informations-là, ben, ça va être sans doute dans les médias alternatifs. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est toujours une question de gens qui, sur le plan spirituel, veulent bien faire, j'ai l'impression, dans plusieurs cas. Un peu comme pour la question du suicide. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui, d'un côté, vont dire, ben depuis le début de la crise, il y a des gens qui ont eu de la détresse psychologique, il y a sans doute une augmentation du nombre de suicides. Mais le point, c'est que même si c'était vrai, pour des raisons de ne pas entrôner davantage de suicides, parce que le fait de parler du suicide peut participer à amener des gens à suicider puis à leur donner l'idée en tête de suicider, ben les médias de masse n'en parleront pas. Puis même s'il y aurait une augmentation objective du nombre de cas de suicide présentement au Québec depuis le début de la crise, eux autres peuvent se donner bonne conscience de dire « on n'en parle pas ». En faisant ça, on empêche les gens de suicider parce qu'en parlant, en médiatisant l'information, bien, il y a peut-être des gens qui, en étant exposé à cette information-là, vont l'idée de suicider puis passer à l'acte. Donc, pour pas qu'il y ait d'effet d'entraînement, ben, on va camoufler ça. On va dissimuler ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie des médias qui joue ça, puis ils se donnent bonne conscience en disant qu'en faisant ça, on évite qu'il y ait plus de cas de suicide qui soient déclarés. Puis, c'est la même chose un petit peu pour la vaccination. J'ai l'impression que c'est des effets secondaires, puis des membres des médias qui sont au courant de ça au Québec, ben non, on n'en parlera pas pour éviter de saboter la campagne de vaccination. Puis en faisant ça, ben ça permet à plus de gens de sauver des vies en étant vaccinés. Donc, c'est la polarisation de l'information au nom de l'idéaliste spirituel, j'ai l'impression, qui amène l'état présentement de qu'est-ce qui se passe là, dans nos médias de masse. En tout cas, c'est une hypothèse que je me permets de faire. Dans les suggestions que je fais, il y a le documentaire européen qui s'intitule « Ceci n'est pas un complot ». Qui est intéressant, là. Il présente beaucoup d'informations. À un moment donné, en Belgique, il était question d'un enfant de 3 ans qui serait mort du coronavirus. Et là, ça défrayait la manchette pour mettre la gravité sur la menace de la crise qui pourrait tuer le virus, qui pourrait tuer des gens de tous les âges, pas juste des gens de 80 ans et plus, mais un simple enfant de 3 ans. Puis là, finalement, ben, dans le reportage, le père de l'enfant qui est décédé nous explique que l'enfant avait déjà d'autres problèmes de santé, puis il n'est pas mort du coronavirus, mais il est mort avec le coronavirus. Nuance. Tandis que les médias de masse qui nous ont fait, c'est qu'ils nous ont dépeint le cas de l'enfant comme étant mort du coronavirus, ce qui n'est pas pareil. Donc, il y a toute la mise en scène de l'information et l'orientation de l'information pour nous laisser croire certaines choses. Et c'est dans ces subtilités-là que est présenté « Ceci n'est pas un complot ». Ce que j'ai trouvé intéressant, entre autres, ça a été la présentation d'un bulletin de nouvelles en Europe où on voyait des jeunes, donc des gens dans la vingtaine qui étaient hospitalisés. Puis, on parlait de coronavirus à l'avant-scène, donc avec l'animateur, le lecteur de nouvelles. Et en arrière-plan, il y avait une vidéo qui était diffusée avec des jeunes qu'on voyait hospitalisés. On expliquait qu'on avait acheté, que ces vidéos-là avaient été achetées dans une banque de vidéos. Et ce que ça fait, c'est que ça nous laisse croire, ça nous suggère d'une manière implicite que des jeunes de 20 ans peuvent être hospitalisé. Puis là, c'est sûr que par la suite, en termes de statistiques, ben en tout cas, dans les informations que je dispose depuis au fil des mois, non, les gens qui sont hospitalisés, à part des jeunes qui auraient des comorbidités, c'est essentiellement là, des gens là, qui vont être âgés de 70 ans et plus. Donc, c'est pas représentatif d'avoir présenté des vidéos de jeunes hospitalisés là, en arrière-plan là, d'images de fond de bulletins de nouvelles par rapport à la réalité. Donc, mais le but de ça, en faisant ça, c'est de donner le message que des gens de tous les âges peuvent être atteints. Même chose pour l'enfant de 3 ans qu'on dit qu'il est mort du coronavirus. Donc, on cherche à véhiculer d'une manière assez subtile certaines informations. Donc, autre documentaire que je propose d'écouter, il y a aussi la vidéo de la conférence de Bruno Riondel qui s'intitule « Vers un totalitarisme sous prétexte de crise sanitaire » où il fait une analyse de la crise actuelle en relation avec la dictature totalitaire du communiste-léniniste, donc en Europe, en ancienne URSS, donc le bloc communiste, avait mis en place des stratégies pour manipuler les gens, pour leur faire peur, induire des croyances. Bon, ben, il y a des stratégies en relation avec la gestion d'un État totalitaire et son emprise sur ces sujets qui est utilisée par rapport à la gestion de crise actuelle liée au coronavirus. De ce que je comprends de son analyse, naturellement, croyez-moi pas sur parole, vérifiez par vous-même. Donc, la vidéo est bien faite aussi parce que il présente des informations. Bon, il fait des fois de la lecture de texte, mais c'est très bien synthétisé. D'ailleurs, il a fallu que je la réécoute 2 fois pour comprendre l'essence de l'information, parce que ça y va quand même assez rondement dans ses propos. Puis, une très belle analyse entre qu'est-ce qui se passe présentement puis le communisme, comme il a été vécu Donc, en Europe de l'Est, là. Donc, très intéressant là, par rapport à ça. Ensuite, comme suggestion de vidéo, il y a aussi celle qui s'intitule La résistance gang du terrain, 5 février 2021, qui a été produit par le studio avec André Pitt, qui est sur Odyssée également, qui a été censuré de YouTube. Et si vous écoutez cette vidéo en particulier, à 15 minutes 40 du début, eh bien, on voit apparaître à l'écran un clip avec le docteur Horacio Arruda, qui est le directeur de la santé publique au Québec, qui dit qu'il n'y a pas de grippe au Québec et que si les gens ont des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du coronavirus. Donc, il va déclarer ça, et c'est pas n'importe qui, c'est vraiment la plus haute autorité sur le plan médical en relation avec la gestion de la crise, donc Dr Horacio Arruda, qui va déclarer ça. C'est une information qui est très critiquable, parce que, en réalité, la grippe n'a pas disparu depuis le début de la crise du coronavirus au Québec. C'est tout simplement ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de tests qui sont faits pour détecter des cas de grippe, parce que l'ensemble des tests sont mobilisés pour détecter si les gens sont atteints du coronavirus. Donc, depuis environ le 15 de mars 2020, l'ensemble des tests, étant donné l'urgence sanitaire, sont mobilisés pour voir si les gens sont atteints ou non du coronavirus. Donc, la grippe n'est plus testée, et c'est marqué d'ailleurs, cela, sur le site de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, donc les statistiques où on voit la grippe disparaître pour à peu près le 15 de mars. Donc, il y a une explication, un encadré là, de forme rectangulaire qui explique que c'est pas parce que la grippe n'existe plus, mais c'est parce qu'elle n'est plus testée. Donc, comme les cas de grippe étaient recensés à partir des tests, c'est pour ça qu'ils n'apparaissent plus sur le plan statistique. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grippe existe sans doute toujours, mais on va amalgamer toutes les manifestations grippales imaginables, j'ai l'impression, au coronavirus COVID-19. Donc, il n'y a plus de nuance par rapport entre c'est quoi du coronavirus versus la grippe qui est faite. Et c'est sûr que si le docteur Horacio Arruda, normalement, il devrait être au courant de cette information-là, soit qu'il est au courant, puis il est de mauvaise foi, ou soit qui est vraiment incompétent de dire que la grippe a disparu, là. C'est un ou l'autre. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Suggestion d'article à lire, sinon, la vaccination de masse anti-COVID-19 prépare-t-elle une catastrophe sanitaire mondiale? Donc, je vous propose de lire cet article-là, dont vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement, là, naturellement. Et sinon aussi, dans un autre ordre d'idée par rapport aux élections américaines, Alexis Cossette-Trudel, il y a plusieurs jours, avait réalisé une vidéo qui s'intitule « 30 jours ». En bas, c'est indiqué « L'armée américaine a besoin de 30 jours pour faire le ménage ». Et après la sermentation, c'est-à-dire le 20 janvier 2021, eh bien, il avait fait une vidéo, il disait que le grand ménage pour mettre fin aux élections corrompues qui ont mené à mettre au pouvoir Biden, serait par les forces armées, puis aussi le grand ménage par rapport à toute la corruption qui peut avoir cours dans l'État profond. Mais, naturellement, près de 30 jours après, Biden est toujours au pouvoir. Et c'est sûr que des gens vont dire, ben là, c'est pas 30 jours pour faire le ménage, ça va peut-être être plutôt 3 mois ou 3 ans. Il y a toutes sortes de gens qui peuvent dire des choses. Mais le point, c'est que c'est toujours délicat de faire des prophéties, surtout si elles sont rapprochées dans le temps. Tu sais, dans la vidéo, Alexis Cossette disait, écoutez, les soldats digitaux, ne vous découragez pas, il nous reste à peu près un mois, puis vous allez voir, le ménage va se faire, parce que depuis... Les élections qui ont eu cours au mois de novembre 2020, où là, il dit qu'il y a eu fraude électorale, il dit tôt ou tard, ça va se savoir, puis Biden, là, eh bien, le pouvoir va lui être retiré, il sera pas là. naturellement, ben, Biden est toujours au pouvoir. Donc, faut faire attention par rapport aux prophéties. Par contre, c'est sûr que Alexis Cossette-Trudel, par rapport à ce qui en lien avec le coronavirus et la gestion de crise, il a amené quand même des informations alternatives que je trouve intéressantes. Mais le point que je veux dire, c'est que par rapport à lui, comme tout individu, j'encourage tous les gens, puis même par rapport aux propos que je tiens, à faire preuve d'esprit critique, de ne pas croire, comme l'enseignait entre autres Bernard de Montréal, qui a été instructeur dans le domaine de la conscience supramentale ici au Québec. C'est ce que je voulais mentionner, et c'est sûr que pour départager qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, ça faut faire preuve de discernement. Puis présentement, il y a beaucoup d'informations qui sont orientées d'une certaine façon pour nous induire une ligne de pensée. Prenons par exemple le fait qu'on va nous dire, ben, par rapport au coronavirus, il y a eu à peu près 10 000 décès depuis le début de la crise. Et on va nous dire que c'est plus grave qu'une saison grippale ordinaire. Bon, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les statistiques du coronavirus ont commencé l'année passée à l'hiver, bien là, à l'automne 2021, on a commencé une nouvelle saison grippale. Puis là, on les accumule. Fait que c'est sûr que ça va faire un chiffre qui est important, parce que si une saison grippale, c'est un automne d'une année qui se termine à l'hiver, tandis que là, on continue les statistiques parce qu'on dit « Ah, c'est du coronavirus, puis la grippe saisonnière, c'est comme si elle avait disparu dans les statistiques. » C'est sûr que si la crise dure pendant 3 ou 4 ans, peut-être qu'on va être rendu à 50 000 décès, puis on va dire « Ah, ben à comparer d'une saison grippale habituelle, c'est beaucoup plus. » Oui, mais c'est parce que la saison grippale, elle va s'échonner sur quelques mois. Puis là, ça va s'échonner sur plusieurs années. Donc, c'est pas la même échelle, là. Donc, c'est toujours de mettre en contexte l'information. Donc, les 10 000 cas, ils ont pas commencé à l'automne 2020, là. Il y en avait au mois de mars, à peu près vers le 15 de mars, dans ce coin-là, de l'année 2020. Et là, au lieu de recommencer à compter les cas comme une saison de grippe à l'automne, non, on continue à faire le cumul. Puis c'est sûr que plus que le chiffre est gros, puis plus qu'on peut faire peur au monde avec ça, naturellement. Sinon, dans un autre ordre d'idée, ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il y en a qui sont au courant, présentement, s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont au courant, d'actions qui sont faites en justice au Québec, pourquoi le Québec? Bien, parce que je vis là, qui donne des résultats pour faire reculer le gouvernement par rapport à l'imposition des mesures sanitaires, des résultats concrets, vous êtes les bienvenus de me tenir au courant. C'est sûr que je me tiens un petit peu informé par rapport à ce que fait la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Et j'ai reçu un courriel récemment, parce que là, il organise une pré-campagne de financement 2021, puis là, il nous parlait du volet juridique, qu'est-ce qu'on fait. Ils ont ouvert des dossiers, tu sais, ils nous présentent des choses, mais, comment dire, il n'y a pas encore, de ce que je vois là, comme information, de résultats concrets. Comme par exemple, que le couvre-feu là, après 20 heures tombe au Québec, j'ai pas vu ça. Le port du masque obligatoire dans les lieux intérieurs d'empêcher ça, j'ai pas vu ça. T'sais, on parle d'actions qui ont réalisé dans l'optique de faire des démarches judiciaires. Donc, sur le document là, que j'ai reçu, là, comme par exemple, c'est marqué, bon, juin 2020, dépôt par Maître Guy Bertin d'un contrôle judiciaire le 8 juin 2020 contre le gouvernement du Québec dans le cadre de la loi des mesures d'urgence sanitaire COVID-19 et projet de loi 61. OK. Ils ont déposé quelque chose. Donc, ils ont fait différentes choses comme ça, mais présentement, il n'y a pas, malheureusement, de changement significatif par rapport aux mesures. Et c'est sûr qu'à mesure que le temps passe, ben, je me questionne sur la pertinence des mesures. Parce que là, si on adopte des stratégies, puis ça fait un mois, ça fait bientôt un an, puis ça n'empêche pas l'éradication du virus, ben, à un moment donné, il faut se poser le questionnement sur le bien fondé, parce qu'on est en train de s'enliser dans quelque chose. On fait plus la même chose, un petit peu comme la mouche, par exemple. La mouche qui va chercher à entrer à l'intérieur d'un bâtiment, mais qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a une vitre qui la sépare de l'intérieur du lieu où elle veut pénétrer. Fait que là, elle va se frapper la tête sur la vitre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis elle ne rentrera pas plus à l'intérieur. Donc, autrement dit, si on adopte une stratégie et elle ne donne pas le résultat escompté, il faut se poser des questions. Il y a des gens qui vont dire, ben oui, ça donne le résultat escompté. Il y a une diminution du nombre de cas au Québec du coronavirus depuis la mise en place du couvre-feu. Ça peut être sujet à discussion. Donc, parce que, dans le fond, le nombre de cas diminue, OK, au niveau des statistiques, mais ça fait pas en sorte qu'on peut retrouver un fonctionnement d'avant-crise. Donc, ça ne nous empêche pas de sortir de la crise. Puis aussi, c'est sûr qu'il peut toujours avoir une augmentation de cas potentiels, fait que le gouvernement ne veut pas laisser trop de lousse à la population au cas où que le nombre de cas augmenterait de nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui garde un pied sur le frein, il ne met pas trop le pied sur le gaz. Puis il veut protéger les gens. Mais c'est ça, ça règle pas la situation de crise sociale. Et c'est sûr que par rapport à ça, au moment où je vous parle, donc récemment, il y a eu des avis de la santé publique écrits en relation avec les commerces, que ce soit les salles d'entrée de bar, les restaurants, où il était question que la santé publique au Québec, depuis l'automne dernier, n'a jamais suggéré au gouvernement de tout fermer. Et là, ce que ça nous amène à réaliser, c'est que François Legault, qui est le premier ministre du Québec, a décidé d'une manière totalement arbitraire, en s'appuyant pas sur la science, donc d'avis scientifique, de tout fermer le Québec. Et là, si on pense au cas des salles d'entraînement, parce que moi, c'est ça, je m'ennuie de la période où je pouvais m'entraîner en salle. Donc, François Legault a décidé de fermer à l'automne 2020 les salles d'entraînement. Les propriétaires de salles d'entraînement ont demandé des justifications pour comprendre la décision, sur quoi elle s'appuyait. Donc, la science qui était derrière ça, parce qu'il n'était pas question dans les médias là, de cas d'éclosion de gens atteints du coronavirus dans les salles d'entraînement. Donc, ça avait été le questionnement. Donc, c'est quoi la pertinence de fermer les salles d'entraînement s'il n'y a pas eu de cas d'éclosion qui sont là? Et finalement, les réponses venaient pas du gouvernement. Et aujourd'hui, on a comme information que ça ne s'appuyait pas sur la santé publique. C'est tout simplement parce que décider ça. C'est sûr que François Legault, en tant qu'individu, spirituellement parlant, il peut vouloir bien faire. Puis il vibre beaucoup à la peur. Fait que là, il vibre beaucoup au désir de protéger les gens. Mais c'est sûr que, à quelque part, c'est très limitatif. Et c'est sûr que... Là, quand ces informations ont sorti que ça s'appuyait sur aucune science, j'écoutais un bulletin de nouvelles. Puis là, on voyait, par exemple, un propriétaire de centre d'entraînement qui était interviewé. Puis c'est déplorable, mais il n'y avait pas de moyen de pression. À l'automne, ils pensaient ouvrir pareil. Les gens des salles d'entraînement, ils ont annoncé ça. Puis là... quelques heures avant de mettre en application leurs moyens de pression, d'ouvrir pareil leur salle, ils ont reculé. Puis là, je vois pas de moyens de pression, même si ça s'appuie pas sur des justifications scientifiques, le fait que les salles d'entraînement sont fermées. Donc, on est dans une gestion qui est arbitraire, présentement, qui est faite. Et c'est sûr que, d'un côté, je regarde le jeu médiatique, hein, parce que d'un côté, dans les médias de masse, ce qui se passe, c'est qu'on va dire « Ah, ben le nombre de cas a diminué au Québec de gens atteints, mais en même temps, il y a l'apparition des nouveaux variants. » Donc, continuez de mettre en place les mesures de protection, parce que là, il y a encore une menace, là, il y a une nouvelle menace. Fait qu'il y a toujours une tension constante qui est mise de l'avant en lien avec la crise puis la menace de virus, pour garder les gens sous tension. Puis c'est sûr que sans doute les propriétaires de stations de télévision et des radios qui font ça se donnent bonne conscience en disant qu'en agissant ici, on sauve des vies parce qu'on amène les gens à adopter les bons comportements. Donc, il y a un volet moralisateur de dire aux gens quoi faire pour leur bien. Donc, comme si eux autres savaient plus qu'eux-mêmes c'est quoi leur bien. Donc, on est dans l'infantilisation de masse à l'heure actuelle. dans un sens, je trouve ça déplorable, surtout que présentement, on se rend compte que par rapport à la fermeture des salles d'entraînement, des restaurants, il n'y a pas de justification là, à caractère de la santé publique ou médicale, là, de ce que je comprends. Là. Mais même s'il y en avait, ça serait un autre aspect aussi à discuter, parce que quelque part, le risque zéro n'existe pas. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, on aura à vivre avec le coronavirus. Et la stratégie de l'évitement, à quel point on va c'est viable à long terme de chercher à éviter d'être exposé à un virus, c'est un questionnement, là. Tu sais, tu peux être en évitement pendant un mois, deux mois, mais à quel point, à long terme, c'est viable par rapport aux inconvénients que ça génère, c'est un autre sujet de discussion. Et c'est sûr que moi, en tant qu'individu, pourquoi je vous présente ces informations-là, plus alternatives, les liens que je vous propose, ben c'est que je vous invite à faire votre propre opinion. Donc, les médias de masse nous présentent certains éléments, puis il y a d'autres médias alternatifs qui, lorsqu'ils ne sont pas censurés, leur chaîne, nous donnent un autre sur de cloche. Mais éventuellement, ben c'est d'évaluer tout par rapport à vous-même, parce qu'il peut y avoir de la désinformation à tous les niveaux.